Damn, Zay, you made this one. Quatre la boca. On ralasse l'avocat. On fait de la moula. Fuck les côtés match, mon gars, ça rapporte pas. J'suis dans la ville pépère. J'm'en suis prendre de salaire. J'suis pas les gangsters. On connaît mon gars, t'en as vraiment pas l'air. J'ai mes défenseurs qui tiennent la défense. J'prends le deux temps, j'ai rendez-vous au 4 temps. Comme un héros, là, moi j'ai que deux poteaux. T'es pas mon poteau sur la taille, pas des deux. J'en place une pour tous les tounes, de la retour. J'joue pas avec eux, mon gars, ça va ready. Une pensée à tous mes gars qui sont béton. Et t'es comme hiver, t'es aide sur le bitume. C'est quoi ton problème? T'as la nouvelle paire de loupes. Mais quand tu rentres de bois, tu prends le premier train. Tu bibis dans le faux. Arrête de croire que t'es un show. Nous on démarre, puis on t'éteint. J'suis dans la kitchen. Pendant ce temps, les flics enquêtent. Les petits vont voler ton terrain. Posé pépélé. Arrogant comme Akelele. Car ta copine a fait que de m'appeler. 4x4, les vides sont teintées. On pull up, tu perds ton renté. On va manger, madame et ma 4. Reste 2-3 000 posés dans le clic-clac. Pour au balèze comme des boules de pétanque. On rentre capuché en boîte et ouais, ça choque. 4 du bloc posé dans les endroits chic. Jaloux, voix rouge comme maillé en 2000. Mets ta tête au sol, on va te mettre des coups de cric. Pars à la chasse avec moi, tu vas te croquer. Mon gars, si tu viens pas, tu vas pas manger. Je t'ai prévenu, faudra pas dire que j'ai changé. Des cartes de ta fête, j'ai volé par Odaf. Une liasse de moutarde, pas le temps pour un pénave. Toi, tu me dis des, on m'a dit, vas-y, nachave. Je désactive le cellulaire, je m'en fais pas chave. Ouais, ça passe, mon gars, faut détale. Ouvre le sas, faut cacher le détail. Fais la passe, après ça on décale. La vie du Banks, mon pote, crois-moi, c'est pas facile. Quatre la boca, on ralasse l'avocat. On fait de la moula, fuck les côtés match, mon gars, ça rapporte pas. J'suis dans la ville pépère, j'm'en suis prendre de salaire. J'suis pas les gangsters, on connaît mon gars, t'en as vraiment pas l'air. Quatre la boca, on ralasse l'avocat. On fait de la moula, fuck les côtés match, mon gars, ça rapporte pas. J'suis dans la ville pépère. Moi si je prends de salaire, joue pas les gangsters, on connaît mon gars, t'en as vraiment pas l'air. Damn, Zay, you made